بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit donc inshallah l'explication du chapitre Al-Wudu, Bab Al-Wudu, la porte, ou bien le chapitre des ablutions. On avait donc terminé la semaine dernière l'explication de la première partie, dans laquelle le Cheikh Rahimahullah a donné une description générale des ablutions. Donc cette partie commençait par l'expression « La yassih al-wudu wa la ghayruhu min al-ibadati illa an yanouyah » Les ablutions, ni toute autre adoration, sont authentiques jusqu'à ce qu'il en émette l'intention. Et nous nous étions arrêtés à l'expression du Cheikh qui dit « Thumma yarfa'u nadarahu ila sama » Puis il lève les yeux vers le ciel, fayaqul, et il dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Nous avions vu que le fait de lever les yeux vers le ciel est un acte non légiféré, car cet acte repose sur un hadith qui est faible. Wallahu a'lam. Donc ça, c'était la description générale des ablutions. Maintenant, le Cheikh, rahmatullah alayh, va entamer une nouvelle étape dans laquelle il va aborder les différents actes et différentes paroles des ablutions et donner leur statut. Il dit donc, rahmatullah alayh, wal wajibu min dhalik. Et l'obligatoire parmi cela, donc parmi les différents actes qu'on a vu auparavant composant les ablutions, il y en a qui sont obligatoires. Et il va les citer. Ensuite, dans un autre paragraphe, il va dire « wal masnoun » et le recommander. Et ce qui est de la sunna. Il va donc citer qu'est-ce qui est recommandé, ce qui fait partie de la sunna. Donc il dit « wal wajibu min dhalik » ce qui est obligatoire parmi ceux-là. Qu'est-ce que « al wajib » Le « wajib » dans la langue arabe, avant de parler du sens consensuel, dans la langue arabe, al-wajibu, c'est as-saqitu. C'est quelque chose qui tombe. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de la chamelle, fa-idha wajabat junubuha. Et lorsque ses flancs tombent, en parlant du fait de l'égorger, de faire le nahr, car le chameau et la chamelle, on en fait le nahr, on les égorge pas comme on égorge un mouton, mais on plante un couteau au niveau du nahr, de la gorge. Et ensuite, elle tombe sur ses côtés. Qu'est-ce que dit Allah ? فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Et lorsque ses flancs tombent. Donc, الْوَجِبْ, c'est الْسَاقِدْ, c'est ce qui tombe dans la langue arabe. Et dans le sens consensuel, chez les savants de sources jurisprudentielles, chez les savants de أُصُول الْفِقْ, الْوَجِبْ, c'est مَا أَمَرَ الشَّارِعُ بِهِ أَمْرًا جَازِمًا. Ma amara bihi shari'u amran jaziman. C'est ce que le législateur, donc Allah subhanahu wa ta'ala, a ordonné de manière tranchée. Quel est al-athar, la conséquence de cela? Yuthabu alayhi fa'ilu wa yu'aqabu alayhi tariku ou yastahiqu al-iqaba tariku. Quelle est la conséquence de cet acte-là, du wajib? C'est que celui qui le fait est récompensé et celui qui le délaisse est soumis au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les actes qui vont être cités ici par le cheikh sont des obligations, des ablutions. Sont des obligations. Donc si un acte, parmi les actes qui vont être cités, est délaissé, les ablutions sont invalides. Hein, elles sont invalides. Donc si on fait ces actes-là, on est récompensé. Si on les délaisse, on est soumis au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'au-delà. Wal wajibu min dhalik. Donc l'obligatoire parmi cela, an-niyya, l'intention. Donc ça, on l'a vu, on a donné la preuve concernant le caractère obligatoire de l'intention. C'est le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, innamal a'malu bin niyyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Et chaque individu sera rétribué en fonction de ce qu'il aura eu l'intention de faire. Il dit ensuite, وَالْغَسْلُ مَرَّةً مَرَّةً مَا خَلَى الْكَفَّيْنِ. Le lavage, une fois. Le lavage de chaque membre, une fois, sauf les deux mains. Donc le lavage du visage, ça c'est une obligation, une fois. Le lavage des bras, c'est une obligation une fois. Le lavage des pieds, c'est une obligation aussi une fois. Ça, ce sont les membres lavés. La tête, elle, est essuyée. Il a dit « Ma khalal kaffayn » sauf les deux mains. Car au début des ablutions, donc après avoir dit « Bismillah », qu'est-ce que l'on fait ? On lave ses deux mains. Hein, on les lave. Est-ce que ce lavage est obligatoire ? Non, c'est une sunna. Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ma'idah, il dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, idha qumtum ila salah » lorsque vous vous levez pour la prière, « Farsilu wujuhakum » lavez-vous. Donc les visages. « Wa aydiyakum ila al-marafiq » et les bras jusqu'au coude. Quel est le lavage ici visé ? C'est le lavage donc des mains au début ou bien des bras que l'on fait après le visage ? C'est le lavage des bras après le visage, après le lavage des visages. Le lavage qui est cité dans Surat al-Ma'ida. Dans Surat al-Ma'ida, le lavage des bras qui est cité, ce n'est pas le lavage des mains jusqu'au poignet qu'on fait au début des ablutions. C'est le lavage des bras jusqu'au coude, donc de l'extrémité des doigts jusqu'au coude, que l'on fait après le lavage du visage. C'est ce lavage-là qui est obligatoire, le lavage des bras, de l'extrémité des doigts jusqu'au coude. Une fois, ça c'est obligatoire. Le lavage des mains que l'on fait au début, une fois, deux fois ou trois fois, comme on va voir, ça c'est une sunna. Même si je le délaisse volontairement, mes ablutions sont valides. Si je mets l'intention, je dis bismillah, et je fais tout de suite la madmada et l'istinchaq. Tout de suite je me lave la bouche et je me rince le nez. Donc je saute le lavage des mains que l'on fait habituellement au début, mes ablutions sont valides, car ce lavage-là est une sunna, est recommandée. C'est pour ça qu'il a dit « wal raslu marratan marra » le lavage une fois, c'est-à-dire une fois de chaque membre, « ma khalal kaffayn » sauf les deux mains. Il devient obligatoire lorsqu'on se réveille du sommeil, lorsqu'on se lève du sommeil, il devient obligatoire. Mais le fait de ne pas laver les mains après s'être levé du sommeil n'invalide pas les ablutions. N'invalide pas les ablutions. Mais il y a péché. Car on avait dit que c'était obligatoire, le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné la base dans l'ordre, dans l'impératif du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est l'obligation, sauf s'il y a un texte qui vient faire dévier cette obligation au recommandé, il n'y a pas ici de texte. Donc lorsqu'on se lève du sommeil et qu'on veut faire nos ablutions, donc on met l'intention, comme d'habitude, on dit bismillah, et ensuite il est obligatoire de laver ses mains en dehors du récipient. Car on ne sait pas où notre main a passé la nuit. Celui qui met sa main dans le récipient tout de suite, en sachant que c'est interdit, il est athim, il est pécheur. Il est pécheur. Est-ce que ces ablutions sont invalides ? Non. Notamment si jamais l'eau n'est pas rendue impure par le fait qu'il ait trempé sa main directement dedans, qu'il n'y ait pas eu changement de goût, de couleur ou d'odeur. Il dit ensuite, rahmatullahi alayh, wa mashu ra'si kulli. Et l'essuyage de la tête entière. Et l'essuyage de la tête entière, nous avions expliqué cela. Donc il y a plusieurs avis de savants à ce niveau-là. Les Hanafis ont dit que le quart de la tête doit être au minimum essuyé pour valider l'essuyage de la tête. Si c'est moins d'un quart qui est essuyé, c'est invalide chez eux. Mais du moment que c'est un quart ou plus, l'essuyage de la tête est valide. Chez les Shafi'is, c'est trois cheveux. Car le pluriel commence à partir de trois dans la langue arabe, donc ils ont dit trois cheveux. D'autres ont dit un tiers, c'est une parole dans le madhhab maliki, le tiers de la tête. Allahu a'lam, la vie authentique, celui qui est conforme, Allahu a'lam, au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, c'est qu'il est obligatoire d'essuyer toute la tête. D'essuyer toute la tête. Et le prophète alayhi salatu wa salam a toujours essuyé toute sa tête, ce qui montre que c'est une obligation. Et si jamais c'était recommandé d'essuyer toute la tête et qu'une autre partie est obligatoire, le tiers, le quart, trois cheveux, il aurait montré au moins une fois dans sa vie, notamment pour cette adoration que l'on pratique tous les jours. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a été constant sur l'essuyage de sa tête entière. Wa tartibu al-wudu 'ala ma dhakarna. Ensuite, l'ordre dans les ablutions est une obligation aussi. L'ordre dans les ablutions, et notamment l'ordre dans les quatre obligations citées dans Surat al-Ma'idah. Ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salah, lorsque vous vous levez pour la prière, farsilu wujuhakum, lavez-vous le visage. Ça, c'est la première obligation, le premier fard. Wa aydiyakum ila al-marafiq, et vos bras jusqu'au coude. Ça, c'est le deuxième fard, la deuxième obligation. Wa amsahu bi ru'usikum, et essuyez vos têtes. Ça, c'est la troisième obligation. Wa arjulakum, la plupart des récitations wa arjulakum, il y a des récitations wa arjulikum, mais la majorité des récitations c'est wa arjulakum ila al-ka'bayn, et vos pieds jusqu'aux chevilles. Wa arjulakum avec la fatha, c'est coordonné à farsilu wujuhakum, lavez vos visages. Wa aydiyakum, farsilu wujuhakum, hakum avec une fatha. Wa arjulakum, wa arjulakum avec une fatha aussi. Wa amsahu bi ru'usikum, non pas ru'usakum, bi, car le bi c'est un harf ou jar qui va donc impliquer une position grammaticale qui s'appelle ajar ou bien al-khafd, dont le signe principal de base est la kasra. Et ici, ru'us se met en position jar ou bien khafd avec la kasra. Bi ru'usikum. On ne dit pas bi ru'usukum, c'est une faute. Et on ne dit pas bi ru'usakum, c'est une faute aussi. Bi ru'usikum. Ensuite, on a wa arju lakum avec la fatha. C'est pas arju lukum avec la dhamma et c'est pas arju likum avec une kasra. La kasra existe, mais dans certaines récitations, on va expliquer son sens. Wa arju lakum, donc c'est coordonné à au lavage du visage et au lavage des bras. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité au début un membre lavé. Lequel? Le visage. Ensuite, il a cité un membre lavé. Lequel? Les bras. Ensuite, il a cité un membre lavé. Non, un membre essuyé. La tête. Et en quatrième position, il a cité un membre lavé. Donc qui sont les pieds jusqu'aux chevilles. Donc on a membre lavé, membre lavé, membre essuyé, membre lavé. Les savants de la balagha, de l'éloquence arabe, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala adkhala mamsuhan bayna marsulayn li maqsad. Allah subhanahu wa ta'ala a fait pénétrer un membre essuyé entre deux membres lavés pour une raison. Car les arabes ne coupent pas un ordre logique et ne coupent pas la succession de choses équivalentes si ce n'est par un objectif visé. Si ce n'est par la cause d'un objectif visé qui est ici de montrer le caractère obligatoire, qui est ici de montrer le caractère obligatoire de l'ordre. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décalé le membre essuyé, qui est la tête, et ne l'a pas mis à la fin ou au début, la logique et l'éloquence arabe veut qu'on cite les trois membres lavés, puis le membre essuyé. Ou bien le membre essuyé et ensuite les trois membres lavés. Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait cité deux membres lavés, puis un membre essuyé et conclu ensuite, il est terminé le verset par un membre lavé, montre que le fait de respecter l'ordre est une obligation. Et quand on dit l'ordre est obligatoire, c'est entre les quatre obligations, donc des ablutions, entre les quatre membres obligatoires qui sont le lavage d'abord du visage, ça c'est la première obligation. Il ne faut pas mettre ça en désordre. La première obligation, souvent des gens citent le lavage des bras d'abord. Hein? Parce qu'ils ont une confusion entre le lavage des mains du début et le lavage des bras qui a lieu après le visage. Dans Surat Al-Ma'idah, Allah dit « Oh vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous les visages. » Ça c'est la première obligation. Deuxième obligation, « Wa aydiyakum ila al-marafiq » et vos bras jusqu'au coude. Ça, c'est la deuxième obligation. C'est aussi un membre lavé, non pas essuyé. Troisième obligation, وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ, et essuyez vos têtes. Donc ici, en troisième obligation, on a un membre essuyé et non pas lavé. Quatrième obligation, وَأَرْجُوا لَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, et vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc on a un membre lavé au début, c'est le visage. On a ensuite un membre lavé, ce sont les bras jusqu'au coude. Ensuite, on a un membre essuyé, c'est la tête. Et ensuite, on a un membre lavé, c'est les pieds jusqu'aux chevilles. Et on a dit que les Arabes, donc, à la base, ils citent les éléments qui sont équivalents à la suite, sans mettre du désordre entre ces éléments-là. Et le fait qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, est coupé, entre guillemets, cette logique qui veut que l'on cite tous les membres lavés et ensuite citer le membre essuyé, ou bien citer le membre essuyé pour ensuite citer tous les membres lavés, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il est coupé, donc la consécutivité entre les trois membres lavés, et qu'il ait fait pénétrer un membre essuyé entre deux membres lavés, prouve que c'est une obligation. Toujours concernant donc tartib, l'ordre dans les ablutions, l'ordre dans les ablutions est une obligation entre ces quatre membres obligatoires. Et l'ordre entre deux sunnahs, c'est sunnah. L'ordre entre deux sunnahs, c'est sunnah. Si quelqu'un fait d'abord l'istinshaq et ensuite la madmada, s'il fait d'abord l'istinshaq et ensuite la madmada, ses ablutions sont valides. On ne dit pas qu'il a délaissé une obligation, mais il a délaissé une sunna. Si quelqu'un dit bismillah, se lave trois fois les mains, et ensuite il se rince le nez, puis se lave la bouche, ses ablutions sont valides, mais il a délaissé une sunna. De même, car nous allons voir que la parole que nous choisissons, c'est que la madmada et l'istinshaq sont une sunna et non pas une obligation. Si quelqu'un met l'intention, dit bismillah, il fait la madmada l'istinshaq, puis se lave trois fois les mains, puis ensuite se lave le visage, de même ses ablutions sont valides et il a délaissé une sunna, pas une obligation. Et de même l'ordre entre une obligation et une sunna, c'est aussi sunna. Si quelqu'un met l'intention, dit bismillah, se lave le visage, puis fait la madmada l'istinshaq et se lave trois fois les mains, il a délaissé une sunnah, mais ses ablutions sont aussi valides. Ses ablutions sont aussi valides. Donc l'ordre entre deux obligations est obligatoire. Et les obligations en termes de membres, on n'en a que quatre, ceux qui sont cités dans Ayat al-Ma'ida, dans le verset de Surat al-Ma'ida. L'ordre entre l'obligatoire et la sunnah est sunnah, et l'ordre entre deux sunnah est sunnah, wallahu a'lam. وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله, et qu'il ne diffère pas le lavage d'un membre jusqu'à ce que sèche celui qui le précède. Je répète, et qu'il ne diffère pas, c'est-à-dire qu'il ne recule pas dans le temps, le lavage d'un membre jusqu'à ce que sèche celui qui le précède, c'est-à-dire jusqu'à ce que sèche le membre qui le précède. Ça, c'est ce qu'appellent les savants al-mu'alatu. Al-mu'alah, quand on s'arrête en arabe sur un ta qui n'est pas meftouh, on s'arrête sur un ha. Al-mu'alah, ça s'écrit al-mu'alatu, c'est-à-dire la consécutivité. Il faut que le lavage des membres se fasse de manière consécutive en ne laissant pas un laps de temps conséquent. Quel est ce laps de temps conséquent entre deux membres qui est obligatoire? Et que, quel est ce laps de temps entre deux membres que s'il est laissé, les ablutions sont annulées? C'est le fait que le membre précédent est séché. Il faut donc que je lave mes bras avant que mon visage ait séché. Et aussi que je lave mes pieds avant que mes bras aient séché. Si jamais je lave mon visage et qu'ensuite je lave mes bras après que mon visage est séché, mes ablutions sont invalides. De même, si je lave mes pieds après que mes bras aient séché, de même mes ablutions sont invalides. Et ce critère-là, il est pris de hadith du prophète alayhi salatu wassalam, on va les citer, mais c'est un critère qui est à prendre en compte en climat tempéré. Lorsqu'on n'est pas dans une chaleur forte, car lorsqu'on est dans une chaleur forte, les membres sont amenés à sécher rapidement. Et de même, ce n'est pas à prendre en considération lorsque on est en temps de vent fort aussi. Car le vent fort et puissant fait sécher rapidement les membres. Donc c'est un critère qu'on prend en considération lorsque le temps est modéré. Lorsqu'il y a chaleur importante, on ne le prend pas en considération, on revient au temps. On revient au temps équivalent à ce que le membre précédent sèche si on était dans un climat tempéré, entre guillemets. Et de même en période de fort vent. Quelles sont les preuves de ce critère? Sur quels textes se sont fondés les savants, rahmatullahi alayhim, pour tirer ce critère-là? Le premier hadith, an Khalid ibn Ma'dan, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود. Selon Khalid ibn Ma'dan, rahmatullahi alayh, il rapporte selon certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme prier. Et il y avait donc sur le haut de son pied l'équivalent d'un dirham que l'eau n'avait pas touché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de refaire ses ablutions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de refaire ses ablutions, rapportées par Ahmed et Abu Daoud. Ça, c'est le délil. Comment tire-t-on al-mu'alah de ce hadith-là? Car en apparence, ce n'est pas clair. On ne voit pas directement comment est-ce que les savants ont pu tirer l'obligation de al-mu'alah de ce hadith-là. On reprend le hadith. Donc, un homme priait. Le prophète, alayhi salatu wa salam, l'a vu. Il avait sur le haut de son pied l'équivalent d'un dirham que l'eau n'avait pas touché. Donc, cette personne-là, lors de ses ablutions, n'avait pas lavé une partie de son pied. Qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il lui a ordonné donc d'aller laver simplement la partie qui n'était pas mouillée, ou bien est-ce qu'il lui a dit de refaire complètement ses ablutions? Il lui a dit de refaire complètement ses ablutions. Car si jamais il suffisait de simplement laver la partie qui n'avait pas été lavée, le prophète alayhi salatu wassalam lui aurait dit simplement de faire ça. Mais comme le laps de temps était long, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit de refaire complètement ses ablutions. Le hadith est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Un autre hadith, وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك رواه مسلم. Selon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un homme a fait ses ablutions et a délaissé donc l'endroit d'un ongle sur son pied, l'équivalent d'un ongle sur son pied, non lavé. Donc il n'avait pas lavé l'équivalent d'un ongle sur son pied. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a vu et lui a dit, repars et parfais tes ablutions, rapportées par Muslim. Donc le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonne à ces personnes-là de refaire complètement les ablutions, cela montre qu'à un moment donné, on ne peut plus simplement laver la partie qui n'a pas été lavée. Ici, les savants donnent deux critères. Certains ont dit le critère qu'on a cité, c'est-à-dire que le membre précédent n'est pas séché, ce qui n'est pas cité dans le hadith. Ici, on n'a pas le critère dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est un critère cité par certains savants que le membre précédent n'est pas séché. D'autres disent on revient au urf. On revient à ce qui est reconnu comme tel, comme n'étant pas une longue période. Donc il ne faut pas laisser une longue période reconnue par la majorité des gens comme étant longue entre le lavage de deux membres. Mais ça, Allah alam, c'est un critère qui est difficile après à définir. Donc il vaut mieux revenir sur un critère qui est précis, qui est le fait que le membre précédent n'est pas séché. Wallahu a'lam. Al-mu'alah, donc ce critère-là, qui est la consécutivité entre les membres, ça a été cité dans ce hadith, où le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu quelqu'un donc prier, et en ayant délaissé une partie de ses ablutions non faites. Cette personne-là, elle n'a pas délaissé cette partie-là par besoin. Elle ne l'a pas laissée par besoin. Donc la consécutivité al-mu'alah chez les savants, c'est quelque chose qui est obligatoire, sauf si jamais, Sauf si jamais, par besoin pour nos ablutions, on laisse un laps de temps jusqu'à ce que le membre précédent ait séché. Par exemple, je fais les ablutions chez moi. Je me lave 3 fois les mains, la bouche, le nez, je me lave le visage. Une fois, deux fois, l'eau se coupe. Je me lavais au robinet et l'eau se coupe. Je ne me lavais pas dans un récipient. L'eau se coupe. Donc j'ai le visage qui est mouillé. Et je cherche de l'eau maintenant. Le temps que je cherche de l'eau, mon visage sèche. Donc ici, par besoin, je vais donc chercher de l'eau jusqu'à ce que mon visage sèche. Donc par besoin, je vais faire tomber ce qu'on appelle al-mu'ala. Je ne vais pas respecter ce critère qui est al-mu'ala par besoin. Donc ici, al-mu'ala n'est pas pris en considération. Et si jamais je trouve de l'eau, même après ce que mon visage est séché, je continue mes ablutions. En ayant gardé l'intention, bien sûr. En ayant gardé l'intention et simplement en cherchant de l'eau. Donc par exemple, je vais chez le voisin lui demander de l'eau. Ou je suis à un étage et je descends à un autre étage pour aller chercher de l'eau. Et le temps que j'arrive à l'étage inférieur, mon visage a séché, je continue ensuite. Je continue mes ablutions. Inch'Allah, et al-mu'ala ici n'est pas pris en considération car il y a besoin. De même si jamais une femme commence ses ablutions. Elle avait du vernis à ongles sur ses pieds qu'elle a oublié d'enlever. Et on avait cité que le fait d'avoir du vernis à ongles sur les pieds, ça c'est un ha'il, c'est une barrière entre l'eau et l'ongle. Donc il ne peut y avoir contact de l'eau à l'ongle. Donc il est obligatoire d'enlever ce vernis-là. Donc elle commence ses ablutions, arrivée au pied, elle voit qu'elle a du vernis. Arrivée à ses pieds, elle voit qu'elle a du vernis. À ce moment-là, si elle veut enlever son vernis, elle enlève son vernis, même si ses bras, donc qui sont le membre précédent au pied, ont séché pendant l'enlèvement du vernis, elle peut continuer ensuite ses ablutions, inshallah, car les mouallettes n'ont pas été respectées par besoin pour pouvoir parfaire les ablutions. Quelqu'un peut dire, mais quelle est la preuve de cela? C'est que les mouallettes sont tirées d'un hadith où la personne... Ce n'est pas par besoin qu'elle n'a pas respecté al-mu'ala. C'est par négligence. Elle a oublié de laver. Elle a oublié de laver le membre. Alors que là, ce n'est pas par oubli ou par négligence, mais c'est par besoin pour pouvoir faire ses ablutions. Wallah al. Il dit ensuite, rahmatullahi alayhi, wal-masnounu, et le recommandé. Donc, et ce qui relève de la sunnah. Donc là, on va passer à des paroles et actes qui sont sunnah recommandés et non pas obligatoires. Donc, al-masnoun, la sunnah, dans la langue arabe, c'est at-tariqa, c'est la voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, al-sunnah. Al-sunnah, dans la langue arabe, c'est at-tariqa, la voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La sunnah, dans le sens consensuel, c'est les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, les actes du prophète alayhi salatu wassalam et les confirmations, at-taqrirat, les confirmations de paroles ou d'actes du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wassalam a dit des paroles, ceci entre dans sa sunna. Il a fait des actes, ceci entre dans sa sunna. Et il a confirmé les paroles de certains, les paroles de compagnons, et aussi les actes de certains, ceci aussi entre dans sa sunna. Et c'est ce qu'on appelle As-Sunna At-Taqririya. Et chez les savants de Usul al-Fiqh, le Masnoun, c'est Ma amara bihi shari'u amran ghayra jazimin. C'est ce que a ordonné le législateur. Qui est le législateur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'a ordonné le législateur d'une manière non tranchée. Quel est le athar, l'impact de cela? Qui me rappelle l'impact du wajib, de l'obligatoire? On l'a cité tout à l'heure. La conséquence du wajib, et non pas sa définition, sa conséquence. La récompense. Tu as dit la récompense, point, sois précis. Le châtiment, celui qui le fait, celui qui le fait récompenser, celui qui le délaisse, il est châtié. Ou bien on avait dit, certains savants disent, il est soumis au châtiment. Il est soumis au châtiment. Mais même si on dit il est châtié, c'est pas dans le sens tranché. Même les savants qui ont dit il est châtié, c'est pas dans le sens tranché dans l'au-delà. Ça veut dire qu'il est soumis au châtiment. Wallah alam. Le recommandé, sa conséquence, son implication, donc c'est celui qui le fait, il est récompensé, celui qui le délaisse, il n'est pas châtié car c'est une sunna. Donc il dit, wal masnoun, Donc, ce qui relève de la sunna, at-tasmiya. La tasmiya, c'est le fait de dire bismillah au début des ablutions. On avait dit que la majorité des savants disent que le hadith est faible. Certains disent que c'est un hadith qui est bon, car il a plusieurs chemins, plusieurs chaînes de transmission. Fallah a'lam, l'imam a choisi l'avis selon lequel c'est une sunna. Et c'est un avis qui est médian entre ceux qui disent que ça ne relève pas de la sunna de manière totale et entre ceux qui disent que c'est obligatoire. Car effectivement, le hadith, il n'est pas tranché qu'il est faible, mais il n'est pas tranché non plus qu'il est authentique. Fa'Allah alam, le fait que beaucoup l'aient authentifié, ça laisse quand même un poids à l'avis selon lequel il est authentique. Mais on avait dit que si jamais le hadith, même s'il est authentique de manière unanimement reconnue, si tous les savants avaient dit qu'il était authentique, pourquoi est-ce qu'on garde toujours l'avis selon lequel la tasmiya est recommandée et non pas obligatoire? C'est un acte du prophète, alayhi salatu wasalam. Parce que beaucoup de compagnons ayant rapporté les ablutions du prophète alayhi salatu wasalam de manière détaillée, de manière très détaillée, n'ont pas rapporté la tasmiya. Comme Othman ibn Affan, Abdullah ibn Zayd, Ali radiallahu an, ont rapporté les ablutions du prophète alayhi salatu wasalam à des détails très précis, en citant que le prophète alayhi salatu wasalam rejetait l'eau de son nez avec la main gauche. Et ils auraient délaissé la tasmiya qui est une obligation. Ceci, yustab'ad, c'est quelque chose qui est quand même assez éloigné. Wallahu a'lam. Wa ghaslul kaffayn, et le lavage des deux mains. Ça, c'est une sunna. Lorsqu'on dit waraslul kaffayn, le lavage des deux mains, il vise le lavage des deux mains qui se fait en début d'ablution ou bien le lavage des bras qui se fait après le visage? Le lavage des deux mains qui se fait jusqu'au poignet au début des ablutions. Le lavage des bras jusqu'au coude après le visage, ça, c'est une obligation. Celui qui délaisse ça de manière volontaire ou involontaire, ses ablutions sont invalides. Donc, le lavage des deux mains jusqu'au poignet au début des ablutions, c'est une sunna. On a dit sauf dans un cas. Dans quel cas ça devient obligatoire? Lorsqu'on se lève du sommeil. Et bien sûr, lorsqu'on a une najasa, na'am. Lorsqu'on a une najasa. Il dit ensuite, wal mubalaghatu fil madmadati wal istinshaq wal mubalagha. Et donc, le fait de prononcer, d'exagérer, d'appuyer al madmada. Donc, al-madmada, c'est le fait de bouger l'eau dans sa bouche, remuer l'eau dans sa bouche et ensuite la recracher. Wal-istinshaq, et l'istinshaq, c'est le fait d'inspirer l'eau avec son nez et le rejeter ensuite, ça c'est al-istinthar. Il dit al-mubalara. Donc, prononcer, exagérer ces deux actes, qui sont al-madmada, al-istinshaq, ça fait partie de la sunna. Ça fait partie de la sunna. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Rahmatullahi alayhi. Il s'appuie sur le hadith de l'Aqit ibn Sabura, radiyallahu an, qui dit, قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة. L'Aqit ibn Sabura, radiyallahu an, donc un compagnon, il dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, informe-moi au sujet des ablutions. Il dit, أسبغ الوضوء. Asbir, c'est-à-dire recouvre complètement tes membres lors des ablutions. Ça, c'est une obligation ou une sunna? De recouvrir complètement ses membres. Non, ça, c'est une obligation. Ce que vient de citer le prophète, alayhi salatu wasalam, asbir al-wudu, et la majorité des savants expliquent cela comme étant le fait de recouvrir complètement les membres, ça, c'est une obligation. Wa khallil bayn al-asabi', et fais pénétrer l'eau entre tes doigts. Ça, c'est une sunna, comme on va le voir. Wa balir fil istinshaq, donc, et appuie, prononce, exagère ton istinshaq, c'est-à-dire en faisant monter bien l'eau jusqu'au haut de ton nez, illa an takuna sa'ima, sauf si jamais tu es en état de jeûne, car il y a risque donc de rompre son jeûne en faisant pénétrer de l'eau dans son à l'intérieur de son corps. Rawahul khamsa, rapporté par les cinq, qui sont les quatre des sunan, at-Tirmidhi, an-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud, et on leur ajoute Ahmed rahimahullah. Donc il a dit وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا, sauf s'il est en état de jeûne. Et ceci a été cité dans le hadith de l'Aqit ibn Sabura radiyallahu anhu. Donc l'exagération dans la madmada, c'est en faisant tourner de manière prononcée l'eau dans sa bouche et en essayant d'aller loin, mais pas jusqu'à l'avaler. Pas jusqu'à l'avaler, car ce n'est pas à légiférer, nous avions dit. Et l'istinchar, c'est en inspirant bien profondément, mais sans inspirer trop jusqu'à se faire mal et à faire monter l'eau haut dans le nez, jusqu'à se faire mal, non, ce n'est pas légiféré. Et le fait de frictionner sa barbe, ça on l'avait vu, on avait dit que la majorité des hadiths étaient affaiblis par les savants, rahimahumullah, mais que certains les authentifiaient. Mais en tout cas, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait ça durant toutes ses ablutions. Ce n'est pas rapporté par tous les compagnons. Les compagnons ont décrit de manière détaillée les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne citait pas takhlilul lihya, le fait de frictionner la barbe. Ce qui montre que c'est une sunnah. C'est une sunnah si la barbe est épaisse, ce qui était le cas du prophète alayhi salatu wa sallam et des compagnons qui montraient ces ablutions-là. Donc si la barbe est épaisse, il est obligatoire de laver l'extérieur de la barbe. Car l'extérieur de la barbe a pris la place de la peau, du visage. Frictionner une barbe épaisse, qu'est-ce qu'une barbe épaisse? C'est une barbe qui ne laisse pas apparaître la peau qui se trouve en dessous. Frictionner une barbe épaisse, c'est une sunna. Frictionner une barbe fine, qu'est-ce qu'une barbe fine? C'est une barbe qui laisse apparaître la peau qui se trouve en dessous. Donc frictionner ce type de barbe est une obligation. Pourquoi? Pas parce que le frictionnement en lui-même a été apporté dans des hadiths. C'est parce que laver la peau qui se trouve en dessous est une obligation. Car la barbe fine ne remplace pas la peau. Car la peau est toujours visible. Et il ne va être possible de laver la peau qui se trouve en dessous d'une barbe fine qu'en passant à travers les poils d'une barbe fine. Donc, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Et lorsqu'une obligation ne peut être achevée qu'en passant par une chose, cette chose-là devient à son tour obligatoire. Donc ici, le lavage de la peau ne peut être possible qu'en frictionnant la barbe fine, donc le frictionnement de la barbe fine devient une obligation. Donc je ne reviens pas sur les hadiths, ils ont été cités dans le dars précédent. Wal asabi', donc le frictionnement de la barbe, wal asabi' est le fait de faire pénétrer l'eau à travers les doigts. Ça c'est une sunna et ça a été cité dans le hadith de l'Aqit ibn Sabura que l'on vient de citer, dans lequel il a dit « وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ » et fait pénétrer l'eau entre les doigts. Et le fait de faire pénétrer l'eau entre les doigts, c'est une sunna pour les pieds comme les mains. Entre les pieds, entre les orteils des pieds et des mains. Et c'est une sunna si jamais l'eau a déjà touché cette partie-là, sans frictionner. Mais si jamais les orteils, par exemple, sont très serrés et que l'eau ne peut toucher la partie se trouvant entre les orteils seulement par le fait de frictionner, c'est-à-dire écarter les orteils et faire passer le doigt mouillé sur l'intérieur des orteils, alors ça devient une obligation, tahlil al-asabi. Si jamais le simple fait de verser de l'eau suffit pour que l'eau pénètre entre les orteils, le tahlil, donc le fait d'écarter les doigts et de faire passer les doigts entre les orteils, les doigts de la main entre les orteils, est une sunna. Si jamais les orteils sont serrés au point que le fait de verser l'eau ne suffit pas pour que l'eau pénètre entre les doigts, le fait d'écarter les doigts des pieds et de frictionner avec les doigts de la main mouillée, ça devient une obligation. D'accord? De même pour la main, mais la main on n'a pas ce cas-là. Wallahu a'lam. Donc le frictionnement des orteils et des doigts de la main est une sunna, sauf si jamais l'eau ne peut pénétrer que par frictionnement, alors ça devient une obligation à son tour. Selon la qaïda, ma la yetimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Lorsque une obligation ne peut être donc faite, si ce n'est en passant par une notion, cette notion-là devient ensuite à son tour obligatoire. Wa mashul uzunayn. Et l'essuyage des deux oreilles. Donc l'imam ici dit, rahmatullah alayh, que c'est une sunna, et on va garder cet avis-là, que le fait d'essuyer les deux oreilles, c'est une sunna et non pas une obligation. Certains savants disent que c'est une obligation, mais on garde, wallah alam, l'avis de l'imam, rahmatullah alayh. D'abord, la preuve, légiférant l'essuyage des oreilles. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Al-uzunani min ar-ra's ». Les deux oreilles font partie de la tête. Rapporté par Ibn Majah, rahmatullah alayhi, qu'il a rapporté selon plusieurs compagnons, radiyallahu anhu. « Al-uzunani min ar-ra's ». Les deux oreilles font partie de la tête. Donc est-ce qu'ils font partie de la tête au point où il faut les laver, il faut les essuyer de manière obligatoire avec celle-ci? Non. « Al-uzunani min ar-ra'si taba'an ». C'est-à-dire de manière adjointe, disent les savants, qui disent que l'essuyage des oreilles est une sunna et non pas une obligation. Mais on avait dit que la sunna n'est pas citée comme étant une sunna, n'est pas citée comme étant une sunna pour qu'on la délaisse, bien au contraire. Hein, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se différencient au niveau de la sunna. « وَلَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ » Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc la sunna est quelque chose d'aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut le faire. Et notamment certains savants ont dit que c'est une obligation, donc khurujan min al-khilaf, par sortie de la divergence, il est mieux de toujours laver ses oreilles. Il faut toujours laver ses oreilles, et le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais délaissé cela, wallah a'lam. Mais on reste selon l'avis de l'imam Ibn Qudama, disant que le lavage, que l'essuyage des oreilles est une sunna. Wa ghaslu al-mayamin qabla al-mayasir, et le lavage de la droite avant la gauche. Donc ça c'est pour les membres duels. Donc pour les bras, laver le bras droit avant le bras gauche. Lorsque on lave aussi les pieds, laver le pied droit avant le pied gauche. Et at-tayammun, donc le fait de commencer par la droite, ça ce n'est pas à prendre en compte lors du lavage du visage par exemple. On ne lave pas d'abord la droite du visage en allant vers la gauche. De même, lorsqu'on s'essuie la tête, on avait vu qu'on commence par la racine des cheveux au niveau du front, on va jusqu'à la racine des cheveux au niveau de la nuque et on revient. On n'essuie pas de la droite vers la gauche. De même pour les oreilles, on ne fait pas d'abord l'oreille droite et ensuite l'oreille gauche. On fait les deux oreilles en même temps. Allah a'lam. Donc le caractère recommandé de commencer par le membre droit avant le membre gauche, c'est dans le hadith de Aïcha, on l'avait cité de nombreuses fois, on le répète. An Aïcha radiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullih muttafaqun alayh. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite lorsqu'il mettait ses chaussures, lorsqu'il se peignait et lors de sa purification et dans toutes ces situations unanimement reconnu authentique. Donc si quelqu'un commence par le membre de la gauche, il a délaissé une sunna. Mais le fait qu'il fasse tout le temps cela, il risque fortement d'entrer dans la bid'a. Car le prophète alayhi salatu wa sallam ne l'a jamais fait. Donc il y a une différence entre délaisser ponctuellement quelque chose et le faire tout le temps. Délaisser tout le temps une sunna, notamment ça montre qu'il y a donc ibadah, qu'il y a adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de commencer par la gauche, ça ce n'est pas à faire. Il faut commencer par la droite, mais ça reste une sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Wal ghuslu thalathan thalathan, et le lavage trois fois. Donc le fait de laver trois fois le membre, ça c'est une sunna. On a dit le lavage obligatoire, c'est le lavage une fois. Donc il est obligatoire de laver une fois son visage. L'essuiement de la tête, il se fait qu'une fois, il ne se fait pas trois fois. Et le lavage des pieds aussi, du visage, des bras et des pieds, une fois c'est l'obligation, et deux fois et trois fois c'est sunna. Et la sunna la plus complète c'est trois fois. C'est ce que faisait de manière majoritaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhu. Donc le lavage du visage une fois c'est obligatoire, le lavage des bras une fois c'est obligatoire, essuyer la tête, l'aller, c'est-à-dire de la racine des cheveux du front jusqu'à la nuque, ça c'est obligatoire, le retour est sunna. Est fortement recommandé, car le prophète alayhi salatu wa salam aussi le faisait tout le temps. Et le lavage, une fois des pieds, est obligatoire. Ici le shaykh dit, et il fait partie de la sunna, de laver trois fois chaque membre. De laver trois fois chaque membre. Et de même, le lavage deux fois fait partie de la sunna. Mais la sunna la plus complète, c'est trois fois. Quels sont les hadiths à ce sujet-là? Le premier qui nous montre que le prophète alayhi salatu wa salam s'est déjà lavé en lavant chaque membre, a déjà fait ses ablutions en lavant chaque membre une seule fois. An ibn Abbas radiyallahu anhu ma qal tawadda'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marratan marra. Rawahu as-sab'a illa muslima. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions en se lavant une fois, une fois. Rapporté par les sept sauf muslim. Qui sont les sept? Les quatre de Sunan. L'imam Ahmed, ça fait cinq. Et Al-Bukhari et Muslim, ça fait sept. Mais on a dit rapporté par les sept, sauf muslim. Donc c'est tous sauf muslim. Donc dans ce hadith-là, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il établit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions en lavant chaque membre une fois. Donc c'est légiféré et c'est le minima. An Abdillah ibn Zayd, an Abdillah ibn Zayd radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a marratayn marratayn rawahu al-Bukhari. Selon Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions en se lavant deux fois, rapporté par al-Bukhari. Donc ça aussi c'est légiféré. Et c'est mieux qu'une fois, une fois. Car il y a un ajout. Et cet ajout, il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième hadith, an Uthman radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a thalathan thalathan rawahu muslim. Selon Uthman radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions en lavant ses membres trois fois, rapporté par muslim. Et ça c'est le mieux. Et c'est ce que faisait majoritairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la complétude dans la sunna. Mais le fait de faire une fois c'est valide et deux fois aussi c'est valide. Et aussi, est-ce qu'il est permis de faire un membre une fois, un autre membre deux fois, un autre membre trois fois? Na'am, incha'Allah, c'est permis. Wa tukrahu ziyadatu 'alayha. Et l'ajout sur les trois lavages est makruh, c'est-à-dire d'ajouter un quatrième lavage. Et l'imam Ahmed, il disait, il n'y a qu'un malade, que quelqu'un qui est atteint par les waswas qui fait cela, un quatrième lavage. C'est makruh, c'est-à-dire de le faire sans besoin. De le faire sans besoin. Si besoin est, même un lavage n'est pas suffisant. Si je me lave une fois le visage et que mon visage n'est pas complètement recouvert d'eau, que mon nez est encore sec, est-ce que je peux passer tout de suite au membre suivant? Non, il faut que un seul lavage recouvre complètement. Si jamais au bout de deux lavages, j'ai toujours, par exemple au niveau des bras, je lave deux fois mon bras et j'ai encore un doigt sec, est-ce que je peux me contenter de ces deux lavages? Non, je suis obligé de rajouter le troisième lavage. Pareil pour les trois lavages. Si jamais au bout de trois lavages, j'ai encore une partie du membre qui doit être lavée, sèche, est-ce que je peux me contenter de ces trois lavages et dire qu'il est makruh, détestable, de rajouter un quatrième? Non, dans ce cas-là, c'est obligatoire de rajouter un quatrième lavage. Mais normalement, inshallah, trois lavages sont suffisants. Mais si jamais il y a besoin, il n'y a pas karaha. Il n'y a pas caractère détestable du rajout du quatrième lavage. Mais si jamais, au bout du troisième lavage, mon membre, il est bien lavé. Il est lavé et complètement recouvert. Ce qui est normalement le cas avec trois lavages. Rajouter un quatrième lavage, est-ce que c'est une sunna? Non. Est-ce que c'est une obligation? Encore moins, car mon membre est lavé. C'est makruh. C'est makruh, c'est détestable. Quelle est la preuve de cela? Le hadith suivant. An Amr ibn Shu'ayb, an Abi, an Jaddihi radiyallahu anhu, قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. Selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père. Ça c'est une chaîne de transmission connue. Selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père qui était donc compagnon, radiyallahu anhu. Donc il a dit, un campagnard est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le questionner au sujet des ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré les ablutions en les faisant trois fois, trois fois. Donc en se lavant chaque membre trois fois. Et il lui a dit, هذا الوضوء, ceci et les ablutions. فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا, celui qui rajoute à cela, فَقَدْ أَسَاءَ, a fait du mal, وَتَعَدَّا, et a outrepassé, donc les limites imposées par Allah, وَظَلَمْ, et a fait preuve d'injustice, رَوَهُ أَحْمَدْ وَالنَّسَائِ وَابْنُ مَاجَ, rapporté par Ahmed, النَّسَائِ et Ibn Majah. Donc de ce hadith-là, il est tiré qu'il est makruh de rajouter à trois lavages. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, après s'être lavé trois fois, a dit que celui qui ajoute à cela a fait du mal, a outrepassé les limites et a fait injustice. Certains savants disent que c'est une karahat tahrim, que c'est haram, que c'est carrément illicite et que la personne qui fait cela est athimu Allah a'lam, au reste selon la parole de la karaha citée par l'imam rahmatullah alayhi. Et le gaspillage dans l'eau. Ça aussi c'est makruh, selon l'imam Ibn Qudama rahmatullah alayhi. Et al-israf, qu'est-ce qu'on veut dire par israf? C'est ce qui est reconnu comme étant une eau utilisée de manière exagérée pour l'eau d'eau, ou bien pour le roussel, comme on le verra. Le prophète alayhi salatu wa sallam kanat yatawadda'u bimuddin, ça c'est dans Sahih al-Bukhari, wa yaghtasilu bis-sa'. Le prophète alayhi salatu wa sallam faisait ses ablutions avec la contenance donc de deux mains. Ça c'est al-mudd. Wa yaghtasilu bis-sa'. Wa yaghtasilu bis-sa'. Et il faisait son roussel avec un sa' qui est la contenance de quatre, qui est l'équivalent de quatre contenances de deux mains. Donc quatre mouds. Un moud, c'est la contenance de deux mains. Donc de deux mains, ni trop grosses, ni trop petites, ni fermées, et ni trop ouvertes. Donc la contenance de deux mains comme cela, hein, qui sont jointes les unes aux autres, ça on appelle ça un moud. C'est ce avec quoi on mesure la zakat al-fitr. Vous savez, la zakat al-fitr, pour chaque personne de la famille, qu'est-ce que l'on va sortir? Un sa'a. Un sa'a de date ou bien un sa'a de... etc. On verra ça, Inch'Allah, si on arrive à cette porte-là. Un sa' qui est quatre mouds. Donc on prend quatre poignées pour chaque personne de la famille. Chaque personne qui sont sous notre tutelle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait ses ablutions avec un moud, avec l'équivalence de deux mains, l'équivalent de la contenance de deux mains. Et il faisait son rousl, donc son bain rituel, avec quatre mouds. Donc avec quatre fois ce volume-là. On appelle ça un sa' en arabe. Mais les savants n'ont pas dit que aller au-delà du moud, c'est ça l'israf. Et dans le roussel, aller au-delà de, du sa', donc de quatre moud, c'est ça l'israf. Non. On revient au urf. Quelqu'un qui ouvre le robinet et qui laisse courir l'eau et qui se lave comme ça les mains et il se lave la bouche avec l'eau qui tombe à flot, ça c'est l'israf. Alors quelqu'un qui prend un seau d'eau comme ça de 10 litres pour faire ses ablutions, ça c'est l'israf. Mais quelqu'un qui utilise les pots que nous on utilise là, de manière habituelle, qui sont bien au-delà d'un moud, mais qui ne sont pas trop exagérés, Inch'Allah, ce n'est pas bi'idhnillah azza wa jal, ce n'est pas makro. Mais c'est la sunna. Ça c'est la sunna, de faire ses ablutions avec le moud. Mais celui qui utilise plus, Wallah a'lam, ce n'est pas makro, du moment que ça n'entre pas dans une quantité exagérée. Quelle est la preuve concernant le caractère détestable du gaspillage lors de l'utilisation de l'eau, que ce soit pour les petites ablutions ou bien pour le bain rituel? C'est le hadith de Abdullah ibn Mughaffal. Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu an sami'a ibnahu yaqul Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyada 'an yamin al-jannati idha dakhaltuha faqala ay bunay سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. عبد الله بن مغفل a entendu son fils dire, donc son fils a fait une dua, il a fait une invocation et a dit اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. Oh Allah, je te demande le château blanc qui se trouve à la droite du paradis. Je te demande le château blanc à la droite du paradis lorsque j'y pénétrerai. Il a fait une dua comme ça, détaillée. Il demande un château blanc à la droite du paradis lorsqu'il y entre. Son père l'a entendu, Abdullah ibn Mughaffal, et lui a dit, Ey Bounay, oh fiston, oh mon fils, Salillah al-Jannata, demande à Allah le paradis, wa ta'awwadh bihi min an-nar, et demande protection contre le feu. De manière générale, demande le paradis de manière générale, et demande l'enfer, et demande protection contre l'enfer de manière générale. Fa inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, innahu sayakunu fi hadhihi al-umma, il y aura dans cette communauté qawmun, des gens ya'taduna fi at-tahur, qawmun, des gens ya'taduna fi at-tahur, qui outrepasseront les limites dans at-tahur, c'est-à-dire pas at-tahur, at-tahur, donc dans la quantité d'eau utilisée pour les ablutions ou bien le bain rituel, wa du'a, et dans les invocations. Le hadith est rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Ibn Majah. Donc il y aura dans cette communauté des gens qui exagéreront dans l'utilisation de la quantité d'eau pour les ablutions petites ou grandes entre guillemets, donc pour les ablutions ou bien le bain rituel, et de même pour ad-du'a. Dans les invocations, certains seront exagérateurs. Et ça, on le trouve. Effectivement, dans les ablutions, certains utilisent des quantités d'eau exagérées, dans le bain rituel aussi, hein, et même dans les du'a. On a des du'a aujourd'hui qui sont faites, notamment dans les tarawih, qui entrent dans les i'tida, qui rentrent dans l'outrepassement des limites. On entend du détaillisme au niveau des du'a. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'était pas comme ça. On entend à la fin de tarawih par exemple, Allahumma inni as'aluka bi kulli alifin kada wa bi kulli lam lutf wa bi kulli, avec chaque lettre. L'imam rapporte toutes les lettres de l'alphabet, les 28 lettres, et dit, oh Allah, je te demande pour chaque hamza ceci, je te demande pour chaque alif ça, pour chaque ba ça, pour chaque ta ça, pour chaque tha. Non, ça c'est l'i'tida. Demande à Allah sa rahma, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale. Quoi, tu demandes après avoir lu le Coran, pour chaque alif du Coran, par exemple, il dit pour chaque alif, ulfa. Ou pour chaque ba, baraka. Et pour chaque ta, tauba. Et pour chaque tha, je ne sais quoi. Et pour chaque, et il fait les 28 lettres. Non, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, sa rahma alayhi wa si'a, des du'as générales, comme faisait la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc il y aura une exagération même au niveau des du'as. Et ici, c'était le cas du fils d'Abdullah ibn Mughaffal. Pourquoi demander le château blanc qui se trouve à la droite du paradis? Demande le paradis de manière générale. Et il y a des versions où il dit, si tu demandes le paradis, Allah te le donnera et ce qu'il contient. Hein? Car tu vas peut-être avoir, en demandant ça, Allah va te l'exaucer, tu auras moins bien que quelque chose, hein, qui est beaucoup mieux que ça, que Allah t'aurait donné si tu n'avais pas fait cette du'a-là détailliste. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah, dit ensuite, « وَيُسَنُّ السِّوَاكُ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمْ وَيُسَنُّ السِّوَاكُ » Et le siwak est recommandé. Ici, l'imam, rahimahullah, va aborder donc des notions en lien avec le siwak. Le siwak ne fait pas partie intégrante des ablutions. Il ne fait pas partie intégrante des ablutions, même si certains savants, comme Ishaq ibn Rahawai, ont dit que celui qui ne passe pas le siwak lors des ablutions, ses ablutions sont invalides. Hein, sont invalides. Mais c'est une parole qui est rare et singulière. Et la majorité des savants ne disent pas ça. Mais c'est pour montrer que certains salaf, rahmatullah alayhim, donnaient de l'importance au siwak. Et donc ça, on appelle ça al-munasaba. Il est pertinent donc d'apporter le statut du siwak après avoir parlé des ablutions, car le siwak est fortement recommandé lors des ablutions, comme on va le voir, inshallah. Donc ça ne fait pas partie intégrante des ablutions, mais c'est quelque chose qui est recommandé, et notamment donc les savants souvent rajoutent un chapitre sur le siwak après avoir parlé des ablutions dans leur moutoun, dans leur texte. « وَيُسَنُّ siwak. Donc le siwak est recommandé. Et c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna fortement recommandée. Il dit « عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ » Lorsque l'haleine change. Lorsque il y a changement d'haleine. Donc le siwak est recommandé de manière générale et de manière spécifique. Avant d'aborder toutes ces notions-là, Siwak, dans la langue arabe, c'est pris de El-Mail. C'est El-Mail, c'est la distorsion, la déviation. Ils disent les Arabes, Ja'atil Ibilu, Tatasawak. Les chamelles sont venues, Tatasawak, c'est-à-dire en marchant, en se balançant sur la droite et sur la gauche. C'est ainsi que marchent les chamelles. Et Siwak, lorsque c'est utilisé dans les hadiths, c'est utilisé selon deux sens. Le premier, al-fi'l, l'acte. As-siwak, l'acte. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, aktharatu alaykum bis-siwak. Je vous ai fortement recommandé as-siwak. Est-ce qu'il parle de l'outil ou bien est-ce qu'il parle de l'acte? Il parle de l'acte. Donc, as-siwak, ça renvoie à l'acte. Et aussi, dans certains hadiths, ça renvoie à l'outil. Donc à ce que l'on va utiliser pour se frotter les dents, et notamment dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, elle disait, Kunna nu'iddu linnabi sallallahu alayhi wa sallam tahurahu wa siwakahu. Nous préparions au prophète alayhi salatu wa sallam avant qu'il se lève la nuit, car elle savait qu'il allait se lever pour prier. Elle disait, nous lui préparions son eau et son siwak. Donc ici, Aïcha, elle vise par cette expression son siwak, c'est-à-dire l'outil, le bâton avec lequel il allait se frotter les dents. Donc le siwak renvoie parfois à l'acte et parfois il renvoie à l'outil. Et donc c'est une sunna qui est mu'akkada, appuyée, prononcée de manière générale. Donc à tout temps, à tout moment, c'est une sunna, mais c'est aussi une sunna encore plus recommandée à certains moments. C'est pour ça que l'imam Ibn Qudamah dit « Inda taghayyur al-fam » lors du changement d'haleine. Quelle est la preuve de cela ?« An Aisha radiyallahu anha anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqal as-siwaku mataharatun lil-fam mardatun lil-rab rawahu Ahmad wa Nasa'i » Selon Aisha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le siwak est une purification pour la bouche. » Donc ça c'est le shahid, la partie témoin montrant que c'est recommandé de manière plus prononcée lorsqu'il y a changement d'haleine. As-siwaku mataharatun lil-fam mardatun lil-rab. Le siwak est une purification pour la bouche et une source d'agrément pour le Seigneur. Rawahu Ahmed wa An-Nasa'i, rapporté par Ahmed et An-Nasa'i. عند تغير الفم يدي والقيام والقيام من النوم. Et lorsque la personne se lève du sommeil. Donc il est aussi recommandé de se frotter les dents lorsqu'on se lève du sommeil, que ce soit de jour comme de nuit. Car il y a, justement, lorsque l'on dort, changement d'haleine. Le hadith prouvant cela, « An Hudhayfata radiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha qama min al-layli, yashusu fahu bis siwak, rawahu al-jama'a illa al-tirmidhi. » Selon Hudhayfa radiyallahu anhu, donc il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, il frottait sa bouche avec le siwak. Hudhayfa radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveillait la nuit, il se frottait la bouche avec le siwak, rapporté par les sept. Al-Jama'a ou bien les sept, c'est pareil. Rapporté par les sept, sauf At-Tirmidhi. Donc le hadith est unanimement reconnu authentique. Donc le siwak est une sunna lors du changement d'haleine, lorsqu'on se lève du sommeil, wa inda salah, et lors de la prière. Les qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ibn Qudama a apporté le hadith dans son texte, il dit les qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah. Ce hadith-là est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc c'est une sunna aussi lors de la prière, en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si je n'avais pas voulu trop surcharger ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak à chaque prière. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a recommandé le siwak à chaque prière, mais ne l'a pas rendu obligatoire. À chaque prière, les savants ont pris de ce hadith-là que c'est recommandé donc pour chaque prière, pas seulement obligatoire, mais même pour les sunnens. Même pour les sunnens. Et certains disent que même pour At-Tarawih, hein, par exemple, lorsqu'il y a consécutivité de plusieurs unités de prière, à chaque rak'atayn, à chaque fois qu'il y a deux unités, après chaque salam, avant la takbirat ihram des deux rak'at suivantes, il est recommandé de se repasser le siwak. Avant chaque takbirat ihram, il est recommandé de se passer le siwak. Même si je fais mon witr en 2 plus 1 par exemple, ce qu'on appelle communément le shaf' et le witr. Donc après le chef, les deux rak'at, donc avant de dire Allah Akbar du witr, je me repasse le siwak. Certains savants disent qu'une fois que les salats sont rapprochés les unes des autres, il n'y a pas réellement de raison, mais Allah alam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inda kulli salat, à chaque prière, fallah alam. Le hadith préconise cela, wa l'ilm indallah. Il y a d'autres moments où il est recommandé de se passer le siwak que l'imam Ibn Qudamah rahimahullah n'a pas cité. On en cite quelques-uns. عند دخول البيت, lorsque l'on veut entrer chez soi. Le hadith prouvant cela, عن المقدام ابن شريح عن أبيه رضي الله عنه قال رحمة الله عليه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم. Selon المقدام ابن شريح, selon son père, rahimahullah, il a dit, j'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha, par quoi est-ce que commençait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rentrait chez lui? Lorsqu'il entrait chez lui, elle dit, par le siwak, rapporté par Muslim. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il entrait chez lui, donc avant d'entrer chez lui, ou bien tout de suite après être entré au ilmu indallah, il passait le siwak. Un autre moment où il est recommandé, donc bien sûr al-wudu. Et nous sommes dans ce chapitre-là. Et ceci avant donc de commencer ses ablutions, avant de dire bismillah, on passe le siwak. Hein? Et non pas lorsque l'on va faire la madmada et l'istinchaq. Lorsqu'on se passe l'eau dans la bouche, certains se passent le siwak à ce moment-là, même si certains savants l'ont dit, mais il n'y a pas de hadith authentique concernant cela, wallahu a'lam. Et le plus authentique, c'est de faire cela avant les ablutions, comme c'est rapporté dans le hadith de Aïcha que l'on cite. Le hadith suivant. Donc, an Aïcha radiallahu anha. Donc, elle a dit, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu fayab'athuhu allahu. فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي رواه أحمد أعيد الحديث كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي رواه أحمد. Aïcha radiallahu anha dit, nous préparions au prophète sallallahu alayhi wa sallam son siwak et son tahour, qui est donc l'eau avec laquelle il va faire ses ablutions. Et Allah donc le réveillait lorsque Allah voulait le réveiller. Allah le réveillait dans la nuit au moment où il voulait. Fayatasawwaku. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se passait le siwak, puis thumma. Donc le thumma, il est important. Tufidu tartib. Le thumma en arabe, il implique l'ordre. Si jamais elle avait dit, فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّعُ. Il se passait le siwak, wa et et faisait ses ablutions. Le wa en arabe n'implique pas l'ordre. Mais ici, elle a dit, فَيَتَسَوَّكُ, il se passait le siwak, ثُمَّ, et puis, يَتَوَضَّعُ, il faisait ses ablutions. Donc, le hadith est clair sur le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, se passait le siwak, puis faisait ses ablutions, ثم يصلي, puis il priait, رواه أحمد. Le hadith est authentique et rapporté par Ahmed. Aussi, le fait de se passer les doigts au moment de la madmada, Allah alam, ce n'est pas authentique. Il y a un hadith de Ali, mais qui est faible, hein, où il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, donc au moment de la madmada, se passait les doigts, et on voit beaucoup de personnes faire cela, le pouce et l'index, le pouce à droite au niveau de la mâchoire comme ça, et l'index à gauche. Et les hadiths sont très nombreux ne montrant pas cette sunna, fallah a'lam. Ça ne relève pas de la sunna, wallah a'lam. Donc c'est une sunna lorsque la laine a changé, lorsqu'on se lève du sommeil, avant la prière, avant les ablutions, lorsqu'on entre chez soi, et de manière générale, c'est une sunna de se passer le siwak à tout moment. Il dit wa yustahabbu fi sa'ir al-awqat. Donc, et c'est recommandé fisa'ir al-awqat, donc dans les autres moments de la journée ou bien de la nuit. C'est quelque chose qui est recommandé de se passer le siwak. Donc il est recommandé de se passer le siwak à tout moment. Mais c'est plus mu'akkad, c'est plus prononcé, plus appuyé lors des périodes qu'on a citées précédemment. Illa lis-sa'imi ba'da az-zawal, sauf pour le jeûneur après le zawal, que nous on traduit par le zénith, même si en réalité le zénith ce n'est pas lorsque le soleil est immobilisé au niveau se trouve au centre du ciel, au-dessus de nos têtes, mais nous on a l'habitude de traduire ça car on trouve beaucoup cette traduction dans les Riyad Salihin ou autres hadiths en français, on entend le mot zénith. En réalité, astronomiquement parlant, c'est faux de traduire ça par zénith, mais nous on garde cette expression à la baisse. Illa lis-sa'imi ba'da az-zawal, sauf pour le jeûneur après le zénith. Donc l'imam Ibn Qudam a dit que pour le jeûneur après le zawal, il n'est plus recommandé de se passer le siwak. C'est même makruh, selon les savants adoptant cette parole. Qu'après donc l'entrée du dhuhr, il est déconseillé de se passer le siwak. Et sur quelles preuves se sont appuyés donc ces savants-là? Le premier, le hadith de Khabbab radiallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي رواه الدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي وهو ضعيف. Donc Khabbab radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous jeûnez, passez-vous le siwak, donc dans la première partie de la journée, et ne vous passez pas le siwak dans l'après-midi, c'est-à-dire après l'entrée de la prière du dhuhr. Le hadith est rapporté par Ad-Darqutni al-Tabarani dans le Kabir et al-Bayhaqi. C'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible. La deuxième preuve sur laquelle se sont appuyés les savants disant qu'il est donc déconseillé de se passer le siwak en état de jeûne après le zawal, c'est le hadith qui se trouve dans le Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la khulufu fami sa'imi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. La laine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Et donc ils ont dit que le siwak enlève cette odeur là et que donc c'est déconseillé d'enlever cette odeur puisqu'elle est plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Donc concernant le premier hadith, on a vu que c'était faible. Concernant cette règle, cette istinbat, cette règle qu'ils ont tirée ici de ce hadith-là, ce statut qu'ils ont tiré de ce hadith-là, Allah a'lam, le hadith ne dit pas ça. Le hadith ne dit pas ça. Simplement, il y a l'information selon laquelle l'odeur de la laine du jeûneur est plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus bonne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Mais le hadith n'implique pas qu'il ne faut pas se frotter les dents après le zawel par peur donc d'enlever cette haleine là. Car en plus les savants disent que beaucoup cette odeur en outre elle provient donc d'el ma'ida de l'estomac et que la réalité de cette haleine là ce sont des gaz évacués au niveau de l'estomac, Allah a'lam. Mais dans tous les cas le hadith ne préconise pas donc n'induit pas la karaha, le caractère détestable de se frotter les dents après le dhuhr. Et Mu'adh ibn Jabal, dans un athar authentique, il a réfuté cela. Donc la ville plus authentique, c'est que pour le jeûneur, il est permis de se passer le siwak à tout moment de la journée. À tout moment de la journée. Et c'est ce qui est rapporté donc dans des hadiths, notamment le hadith de Amr ibn Rabi'a radiyallahu anhu qui dit: ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ma la uhsi yatasawwaku wa huwa sa'im, rawahu Ahmad wa Abu Daoud wa Tirmidhi. Amr ibn Rabi'a radiyallahu anhu dit, il a dit: j'ai vu de très nombreuses fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam se passer le siwak en état de jeûne, rapporté par Ahmad, Abu Daoud et Tirmidhi. Donc Allah a'lam, c'est la ville plus authentique, on peut se passer le siwak de manière indéterminée lorsqu'on est en état de jeûne. Et bien sûr, ça c'est le siwak qui ne comporte pas d'arôme et qui n'a pas de sève aussi. Il y a le siwak qui est sec, donc lorsqu'on le suce, il n'y a pas de sève qui sort. Et il y a le siwak donc qui est humide, qui vient juste d'être enlevé de la branche, si jamais on parle de bout de bois enlevé d'un arbre. Et il y a aussi les siwak aujourd'hui qu'on trouve dans notre époque qui sont aromatisés. Certains à la menthe, d'autres au citron, d'autres encore avec d'autres arômes. L'utilisation donc du siwak sec, elle est permise et on n'est pas obligé de recracher une fois qu'on s'est passé le siwak. Car il n'y a pas de goût qui est lâché par ce siwak-là. En revanche, si le siwak est frais, Il est même naturel mais frais. Et lorsqu'on le suce, il y a de la sève qui sort. Si jamais lorsqu'on se passe le siwak, que la sève s'écoule dans notre bouche, et qu'il y a donc goût de cette sève-là, on est obligé de recracher. Et avaler volontairement donc cette sève-là annule le jeûne. De même pour les siwak qui sont aromatisés. Si on se passe un siwak aromatisé au citron, ou aromatisé à la menthe, et qu'on a ce goût dans la bouche, on est obligé de recracher. On est obligé de recracher. Donc, se passer ce siwak-là, c'est permis. Bon, ça, on le voit dans la porte du jeûne, comme se brosser les dents avec le dentifrice en état de jeûne. Tant que ça ne dépasse pas la luette, que ça n'entre pas dans la gorge, c'est permis. Mais si on a le goût dans la bouche, on est obligé de recracher. Celui qui avale cela de manière volontaire voit son jeûne annulé. Wallah a'lam. Concernant les types de siwak, et qu'est-ce qu'on entend par siwak quand on parle d'outils? Car certains pensent que le siwak, simplement, c'est Udul Arak. C'est le bâton de Arak qu'utilisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il y a plusieurs types de siwak. Le meilleur, effectivement, c'est le bâton de Harak. Car c'est ce que utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un hadith dans, à ce sujet-là, une parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit « Kuntu ajtani li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam siwakan min al-arak » Rawahu Abu Ya'la fi Musnadih, wa Ibn Hibban wa Tabarani fi al-Kabir, wa ghayrihim wa Hassanahu al-Albani fi al-Irwa, rahmatullah alayhi. Ibn Mas'ud dit « J'arrachais pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un siwak de l'arak » donc qui est l'arbre. Il disait « J'arrachais donc des morceaux de bois » de l'arbre qui s'appelle Al-Arak. Il a arraché cela pour que le prophète alayhi salatu wa salam l'utilise en tant que siwak. Le siwak, c'est ce qu'on utilise pour frotter ses dents. Une brosse à dents, c'est un siwak. Une brosse à dents, c'est un siwak. Mon doigt, c'est un siwak. Un chiffon que je prends et je frotte mes dents avec, c'est un siwak. Lorsqu'il est utilisé pour frotter la bouche, c'est un siwak. Le siwak, c'est ce que j'utilise pour frotter ma bouche. Donc, dans ces outils, ces différents outils utilisés pour frotter la bouche, qu'est-ce qui est le mieux ? Udul Arak. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, utilisait cela, comme nous l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et ensuite, il y a des hadiths, mais qui sont faibles, concernant le bâton de l'olivier, par exemple. Le morceau de bois tiré de l'arbre, l'olivier. Et de, d'autres arbres. Mais tous ces hadiths-là sont faibles. Wallahu a'lam. Donc, concernant la brosse à dents, est-ce que ça entre dans As-Siwak? Si jamais je me lève la nuit. Je me lève la nuit. On avait dit qu'il fait partie de la sunna de se brosser la bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, comme c'est rapporté dans le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu. Donc, si je me lève et je me dirige vers ma brosse à dents et je me frotte donc la bouche avec ma brosse à dents, avec dentifrice ou pas, est-ce que j'ai atteint la sunna préconisée par le hadith de Hudhayfa? Oui, d'un angle, d'un point de vue, oui. Du point de vue que le prophète alayhi salatu wasalam se frottait la bouche, est-ce que je me suis frotté la bouche? Oui, je me suis frotté la bouche. Mais est-ce que je me suis frotté la bouche avec la meilleure catégorie de siwak qui est Udul Arak? Non. Donc si je me frotte la bouche avec un morceau de bois qui ne fait pas partie de Al-Arak, un morceau de bois d'olivier, de n'importe quel morceau de quel arbre, de n'importe quel arbre, ça entre donc d'une certaine manière dans la sunna, du fait que c'est un frottement, mais ça se sépare et s'éloigne de la complétude de la sunna, car je n'ai pas utilisé Al-Arak. Donc se brosser les dents avec une brosse à dents, ça entre dans l'utilisation du siwak. Ça entre là-dedans. Mais ce n'est pas possible après, avant la prière. Parce que souvent on utilise avec dentifrice. Mais si quelqu'un prend une brosse à dents, si quelqu'un n'a pas de siwak à un moment, il prend une brosse à dents dans sa poche et cela passe avant sa prière, ça entre dans « Lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bi siwak inda kulli sala ». Ça entre dans le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a fortement recommandé le siwak au moment de la prière. Car il n'a pas recommandé Oud al-Arak, il a recommandé le siwak, qui est le frottement. Le frottement avec les doigts, non, car le frottement doit se faire par un outil qui est un minimum rêche pour pouvoir atteindre le but visé par le siwak, qui est le fait d'enlever les éventuelles impuretés ou autres se trouvant au niveau des dents. Donc avec les doigts qui sont lisses, c'est... le but n'est pas atteint. Donc le siwak, c'est le frottement. Et le meilleur des outils, c'est Udul Arak, mais le faire par autre chose, qui est rêche et qui permet d'atteindre le but visé, c'est permis. Wallah a'lam, mais c'est moins bien que Udul Arak, bien sûr. Donc ce n'est pas une bid'a, la brosse à dents, comme certains pensent. Ou certains pensent que quelqu'un disant que la brosse à dents rejoint la sunna d'un certain angle, ça c'est la méthodologie des aqlaniyin, des gens qui donnent prépondérance à la raison sur les textes. Non, ça c'est justement les fuqaha qui disent ça. Car pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam ordonne le siwak? C'est parce qu'il y a un but, qui est le nettoyage de la bouche. Est-ce que ce but, il est atteint par la brosse à dents? Oui, et il est même parfois mieux dans certains, de certains points de vue, parfois la brosse à dents est même mieux que Udul Arak. Notamment lorsqu'il y a, on sait que dans la bouche, Il y a des aliments qui sont pris entre les dents. À ce moment-là, passer la brosse à dents est mieux qu'Oud al-Arak, car Oud al-Arak ne va pas permettre d'enlever ce qui se trouve entre les dents. Donc de ce point de vue-là, ça va être mieux qu'utiliser le bâton. Mais Oud al-Arak, il y a de nombreuses recherches qui ont été faites. Il y a beaucoup, masha'Allah, de vertus dedans. Notamment la sève qui est contenue, elle tue les bactéries, ça a été démontré, et ça laisse pendant de nombreuses heures la bouche libre de bactéries. Wallah alam, il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet-là. Il est recommandé, c'est bien de revenir vers des livres comme ça, et Inch'Allah de les lire pour voir les miracles du prophète alayhi salatu wa sallam. Même si, toujours nous ouvrons cette parenthèse, c'est que nous acceptons les ordres interdits d'Allah et du prophète alayhi salatu wa sallam sans les conditionner par le fait qu'ils soient en accord avec la science contemporaine. Nous, le siwak, on l'utilise parce qu'il est dans les textes. Et ensuite, le fait qu'il y ait des vertus reconnues par la science contemporaine, c'est quelque chose qui nous ajoute, Inch'Allah, en certitude et en honneur, bi'iznillah azza wa jalla. Toujours concernant le passage du siwak, est-ce qu'on utilise la main droite ou la main gauche lorsqu'on a le siwak? Est-ce que je me passe le siwak avec la main droite ou avec la main gauche? Certains savants disent avec la main droite, d'autres disent avec la main gauche. Notamment avec la main gauche, c'est Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh qui dit qu'il faut se passer le siwak avec la main gauche, car ça relève de al-adha, ça relève des choses mauvaises. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il se comme dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait sa main gauche pour les choses mauvaises. Et les autres savants disent que l'utilisation du siwak n'entre pas là-dedans, donc il faut utiliser la main droite, et c'est la base. Le prophète alayhi salatu wa sallam utilisait sa main droite pour tout, sauf pour ce qui est relevé de al-adha, des mauvaises choses, ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, Allah a'lam, la majorité disent la main gauche, la main droite. La majorité disent la main droite. Enfin, Allah a'lam, c'est quelque chose qui est large. Celui qui le fait avec la main droite, dans le sens où utiliser la main droite, c'est la base, et c'est ce qui est recommandé et aimé par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, qu'il le fasse. Et celui qui veut utiliser sa main gauche dans le sens où il considère le passage du siwak comme le fait d'enlever quelque chose de mauvais, donc la mauvaise haleine ou autre de la bouche, c'est aussi acceptable, acceptable, Allah a'lam. Ensuite, comment est-ce que l'on passe le siwak? Est-ce que je le passe de long en large? Est-ce que je le passe en largeur ou en longueur? Car il y a un hadith, le prophète alayhi salatu salam dit istaku arden, passez-vous le siwak en largeur. Istaku arden, passez-vous le siwak en largeur. Le hadith est faible. Et ça va en parler sur ce hadith-là. Est-ce que le prophète alayhi salatu salam parle de la largeur des dents ou bien de la bouche? Si on parle de largeur de la bouche, si on parle de largeur de la bouche, c'est donc passer le siwak de haut en bas. Car la longueur de la bouche, donc c'est de la droite vers la gauche. Et la largeur de la bouche, la largeur est plus petite que la longueur, c'est de haut en bas. Et si on dit la largeur des dents, puisque les dents sont plus longues que larges, leur longueur est de haut en bas, si on dit la largeur des dents, c'est passer donc dans le sens de droite-gauche par rapport aux dents, et non pas au bas. Bon, à la kulli hal, le hadith est faible. Et il n'y a pas réellement de sunna à ce niveau-là, mais ce qui est le mieux pour enlever donc des choses éventuelles qui se trouveraient entre les dents, c'est de haut en bas. C'est le fait de passer de haut en bas, car ça permet donc aux fibres du siwak de passer entre les dents. Ainsi ont dit certains savants. Mais à la kulli hal, c'est large. On passe de droite à gauche. Par contre, c'est mieux de passer de la droite vers la gauche. At-tayammun, passer de la droite vers la gauche, et aussi de passer de haut en bas pour pouvoir enlever d'éventuelles choses qui se trouveraient donc au niveau des dents. Aussi, quelques règles toujours concernant le siwak que je n'ai pas cité. Avant la prière, donc le siwak est recommandé, mais si le siwak est souple, si le siwak est souple et qu'on n'a pas une pensée prépondérante, que l'on va se blesser la gencive. Si le siwak est rigide et sec, et qu'on sait que c'est un siwak qui blesse la gencive, à ce moment-là, il est interdit de l'utiliser. On ne l'utilise pas. Car le sang qui va ensuite descendre, le sang, il est najis. C'est un sang qu'on doit recracher. C'est un sang qu'on doit recracher, et là, on ne pourra pas. Ça va nous obliger à sortir donc de la mosquée pour le cracher, ou bien à prendre un mouchoir et cracher, et ça risque même de laisser des écoulements longtemps. On ne pourra pas faire le takbir derrière l'imam et entrer en prière avec l'imam. On sera occupé à se laver la bouche. Donc c'est, si jamais on a un siwak qui est souple, qu'il est recommandé de le passer avant la prière. Wallah alam. Les règles du siwak sont nombreuses. On va s'arrêter là, inshallah. C'est une porte qui est assez longue. Donc on a terminé les ablutions bi-idhnillah. Un point que on n'a pas cité par rapport au lavage une fois, deux fois, trois fois. C'est le doute. Le doute dans les ablutions. Donc lorsqu'il y a doute concernant le lavage d'un membre, est-ce que j'ai lavé un membre? Est-ce que je me suis lavé la tête? Est-ce que je me suis lavé le visage? Est-ce que je me suis essuyé la tête? Est-ce que je me suis lavé le bras? Est-ce que je me suis lavé les pieds? Je doute, est-ce que j'ai lavé au moins, même pas une fois. C'est-à-dire, je doute, est-ce que j'ai lavé le membre? Si je suis dans mes ablutions, donc je suis en train de laver mes pieds par exemple, et je doute, est-ce que j'ai lavé mes bras? Est-ce que je les ai même lavés une fois? Je doute de cela. Je suis obligé de revenir aux bras. Donc je reviens aux bras et je suis obligé de laver mes bras. Et ensuite, je suis obligé de me réessuyer la tête. Qui peut dire pourquoi? Voilà, par rapport à l'obligation de l'ordre. On avait dit que c'était une obligation, l'ordre. Donc je suis obligé de me réessuyer la tête, je m'essuie les oreilles et ensuite je me relave les pieds. Je me relave les pieds. Donc lorsqu'il y a doute à l'intérieur des ablutions, je n'ai pas fini mes ablutions, j'ai doute qu'un membre n'est pas lavé, je suis obligé de revenir au niveau de ce membre-là et de le laver. Et ensuite de recommencer mes ablutions à partir de ce membre obligatoire, car l'ordre est obligatoire. Si jamais je doute sur le nombre de lavages, je sais que j'ai lavé une fois, et moi je veux laver trois fois, je sais que j'ai lavé une fois, et je suis encore dans ce membre-là, je suis en train de laver mon bras. Et je doute, est-ce que j'ai lavé deux fois ou trois fois? Et moi je veux laver trois fois. Je fonde sur le nombre inférieur. Si je doute, est-ce que j'ai lavé deux fois ou trois fois? Je considère que j'ai lavé deux fois et je rajoute un troisième lavage. Mais ceci est valable pour la personne qui n'a pas toujours des wiswas. Celui qui a toujours des doutes, celui-là, il ne les considère plus. Il considère toujours le nombre supérieur. Parce qu'après, Shaitan va s'amuser avec lui et toujours le mettre dans le doute et lui faire des ajouts. Si jamais le doute a lieu après l'adoration, après les ablutions. J'ai fini mes ablutions et je doute même sur le lavage du visage, le lavage des pieds, sur le lavage d'un membre. Je doute, j'ai bien dit, c'est pas je suis sûr. Est-ce que j'ai lavé mon visage ou je ne l'ai pas lavé? Je ne prends pas en considération ce doute. Donc on se rappelle, le doute qui est pris en considération, c'est celui qui a lieu dans l'adoration. Ça c'est valable même pour la prière, mais on va pas s'étaler maintenant là-dessus. Et il y a deux formes de doute qu'on ne considère pas. Le doute qui est toujours présent, à chaque adoration je doute, est-ce que j'ai lavé deux fois, trois fois? Est-ce que j'ai lavé ma tête ou pas? Est-ce que j'ai essuyé ma tête ou pas? Est-ce que j'ai lavé mes pieds ou pas? Ce doute-là, je ne le prends pas en considération car c'est une voie qui va m'amener à la maladie. L'autre doute que je ne prends pas en considération, c'est celui qui a lieu après l'adoration. Et je dis bien, c'est le doute. Si après les ablutions, je suis sûr que je n'ai pas lavé mes pieds, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Si jamais, j'ai fini mes ablutions, je suis sûr que je n'ai pas lavé mes pieds. On recommence les ablutions. On regarde la condition des mouellettes. Si mes bras sont encore mouillés, je lave juste mes pieds. Et si jamais mes bras sont secs, je refais toutes mes ablutions. Vous avez compris? Donc si jamais ça, c'est je suis sûr. Si jamais je suis sûr, je suis obligé de relaver. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.